Deuxième partie de cette exposition, Paris, 17 octobre 61, ici on noie les Algériens, organisée par le collectif Krasny et qui ont également organisé une conférence avec Khadija Senadji, Saïd Bouamama et Manus Cordia. C'est la deuxième partie ici qu'on écoute. Ça a été filmé aussi par Zine TV, que je remercie. Grâce à eux, j'ai pu récupérer le son pour en faire deux émissions radio. Donc si vous voulez voir, en plus d'entendre, eh bien, il y a la vidéo, sachez-le, il y a moyen de retrouver les liens sur microouvert.be. Les policiers qui ont commis ces crimes, ici, en plein cœur de Paris, l'ont fait avec le sentiment de l'impunité. Dans ce débat un peu macabre, une seule certitude. Le 17 octobre 61 restera l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. Près de 300 corps d'Algériens pour l'année 61. Au fil des pages, des noms parfois une photo, des causes présumées de la mort, mais rien, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi cette folie ? Alèche. Iwashanishte. Pourquoi ? Cette journée longtemps disparue. Mais qu'a fait la police de Maurice? Y'a des gens qu'on arrête, qu'on ne reverra plus. Venus des bidonvilles, des alentours de la capitale, venus manifester contre ce qui était anormal, d'une façon pacifique et peut-être utopique. Contre ce couvre-feu qui leur était imposé, ils ont tous défilé en tenue bien soignée. Enfants, messieurs, mesdames, n'imaginez pas le drame. Retour de la place d'Opéra, direction République. Le cortège est doublé par la force publique qui a tiré sans complexe devant le cinéma Lorex. Ils ont même raflé des gens qui marchaient dans les rues. Par le comité d'accueil, ils étaient attendus. Dans la cour de la préfecture, il y a le droit de bavure. Mais qu'a fait la police de Maurice, durant cette journée longtemps disparue? Mais qu'a fait la popo de Momo? Y'a des gens qui ont peur qu'on arrête et qui meurent. C'était le 17 octobre, il ne faisait pas très chaud. Des ponts de la Seine, on les a poussés dans l'eau. Mains et pieds liés, ou classés NPB, noyés par balles, dans le local à poubelle du palais des sports. Des corps jonchent le sol, c'est le palais de la mort. Au stade de Coubertin, il n'y en a pas moins. Drancy n'a pas suffi, n'est-ce pas, général? Alors, préfet de police de la capitale, était-ce la promotion pour ce cher Maurice Papon? Même quand ce n'est pas joli, il faut raconter l'histoire. Bertrand Delanoë sait qu'il n'est jamais trop tard. On raconte celle des autres et on oublie parfois la nôtre. On raconte celle des autres et on oublie parfois la nôtre. Mais qu'a fait la police de Maurice? Même en 2020, sur les bords de la Seine, il y en a certains pour qui les fantômes reviennent. Ils ont gardé les mots, j'ai vu la vidéo. Mais qu'a fait la police de Maurice? Micro ouvert. je vais juste abonder dans le sens de ce que tu viens de dire. Par rapport à ta question, Khadija, par rapport au tu faisais référence au raf de sans-papiers. Ben voilà, par exemple, ici en Belgique, il y a une affaire qui date de maintenant 2-3 ans. C'est l'affaire de la petite Maouda. Voilà, on voit bien dans cette. Donc une petite fille de 2 ans qui s'est pris une balle dans la tête tirée par un policier sans que ça fasse grand bruit. Pour moi, c'est vraiment la démonstration flagrante qu'il y a des catégories de la population qui n'appartiennent pas à la même humanité, en tout cas. Je veux dire, le simple fait que aujourd'hui encore, enfin aujourd'hui à l'heure où on parle, des milliers de gens se noient dans la Méditerranée, dans l'indifférence la plus totale, et qu'on les laisse se noyer, on criminalise même ceux qui tentent de les sauver. On voit bien là qu'il y a deux humanités différentes, ou qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas à la même humanité. Je dirais, enfin, il a parlé de l'islamophobie, de la façon dont on criminalise les musulmans. Je dirais que, enfin voilà, on peut citer évidemment encore des tas d'exemples. La gestion policière des quartiers populaires, des quartiers, des populations issues de l'immigration postcoloniale, c'est toujours une gestion coloniale de ces populations-là. Il y a toujours l'idée que ces populations-là ne sont pas légitimes, que ne fût-ce que de se balader dans la rue, ne fût-ce que d'être là, d'être présent, d'être. Il y a déjà l'idée que c'est suspect, qu'un jeune se balade en moto, c'est déjà suspect. Ça justifie de le poursuivre en voiture et de le percuter, et les policiers responsables de sa mort sont complètement. Il y a une impunité totale vis-à-vis des crimes commis à l'égard de ces populations-là. Donc c'est au point où les vies humaines des gens appartenant à ces catégories de la population n'ont pas la même valeur, puisqu'on voit bien que tous les crimes policiers dont sont victimes les Noirs et les Arabes, pour le dire clairement, sont systématiquement impunis. Il y a une impunité systématique. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette catégorisation raciale qui se perpétue, et Saïd l'a bien expliqué, qu'il y a toujours une propagande. On n'a pas décolonisé les esprits, au contraire, on continue de les coloniser, je dirais. C'est-à-dire que il y a toujours des folklores comme ça dans lesquels on va se déguiser en noir, où on va danser autour d'une marmite pour se moquer des Noirs. C'est des choses qui se passent encore aujourd'hui dans le folklore belge actuel. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire référence pour faire un petit clin d'œil à Nordine Saïdi de Bruxelles Panthère, qui est aujourd'hui poursuivi en justice pour avoir simplement envoyé un mail au bourgmestre Date, hein, je pense, de Lessine, voilà, pour s'indigner de ces pratiques là quoi. Il est maintenant poursuivi en justice pour soi-disant menace terroriste. Donc vous voyez à quel point jusqu'où ça peut mener. On va avoir un discours officiellement prétendument antiraciste, en promouvant le vivre ensemble et l'interculturalité ou ce genre de choses, mais effectivement toutes ces choses-là ne sont pas du tout remises en question. Il n'y a pas du tout une réelle éducation là-dessus, et que ce soit sur l'emploi, sur le logement, sur les rapports à la police, à la justice, etc. tout ça n'est pas du tout remis en question. Et je suis sûr et certain, les gens qui défendent ce carnaval, ce folklore raciste, sont des gens qui vont vous dire: mais non, pas du tout, on n'est pas raciste, mais non, c'est pas du racisme, vous trompez, vous faites erreur, etc. Et qui en sont certainement convaincus d'ailleurs. Il y a vraiment, il y a vraiment une enfin oui, il y a vraiment un aveuglement là-dessus. Il y a vraiment je sais pas comment dire, un refoulement, peut-être, on peut dire ça, oui. C'est-à-dire un discours officiel, un antiracisme de façade, un antiracisme moral qui va dire oui, on est tous égaux, on est tous frères, voilà, on doit tous s'aimer les uns les autres, etc. Mais qui va complètement être aveugle à toutes ces formes de racisme et à ce racisme d'État, à ce racisme qui fait système. Et à chaque fois qu'on va pointer du doigt ce racisme qui fait système, eh bien, ces antiracistes moraux seront là pour dire mais non, pas du tout, vous vous trompez, c'est pas du racisme. Et justement, par rapport au discours officiel sur les crimes, tu l'as dit, par rapport à octobre 61, on va reconnaître que voilà qu'il y a eu que l'État voilà que qu'il y a eu des manquements, qu'il y a eu des excès, des violences. Alors on va mettre ça sur le compte de Maurice Papon. Mais on ne va jamais reconnaître que c'était quelque chose qui était prémédité et organisé au plus haut niveau de l'État. Et ça me fait penser, par exemple, à récemment, sur le génocide du Rwanda, il y a eu à peu près la même chose. On a maintenant un rapport qui dit, oui, voilà, la France a été... Il y a eu un aveuglement, la France n'a pas bien géré cette histoire, mais on va... Et alors Emmanuel Macron salue une avancée dans la compréhension du rôle de la France. Mais on ne va jamais remettre en question le fait que la France a été proactive dans ce génocide. Ça ne relève pas juste d'un aveuglement. On va à demi-mot reconnaître que oui, ce n'était pas bien, effectivement, mais on ne va jamais reconnaître qu'on est responsable de A jusqu'à Z, en fait. Enfin, voilà. Juste rajouter une petite chose. Tu as prononcé le mot de refoulement. Personnellement, je ne crois vraiment pas que c'est un refoulement. Parce que ce n'est pas simplement le fait qu'on n'arrive pas à en parler ou que c'est difficile d'en parler ou qu'on a un problème psychologique pour en parler. C'est qu'il y a des enjeux économiques contemporains qui font qu'on a besoin de reproduire cette vision hiérarchisée de l'humanité. Comment justifier auprès des peuples de l'Union européenne, cette fois-ci ce n'est pas que la France, qu'on impose les accords de partenariat économique avec l'Afrique qui obligent à ce que 80% du commerce, de la production, soit sans aucun droit de douane. C'est-à-dire, comment expliquer que c'est normal que la multinationale de l'agro-agriculture, ici, va envoyer ses poulets surgelés pour ruiner le petit paysan malien qui produit 40 poulets sur le marché? Parce qu'aujourd'hui, la situation est celle-là. Cette situation est celle-là, c'est que les poulets surgelés et à hormones qu'ici, coûte trois fois moins cher que le poulet produit par le petit paysan malien. Et je le dis pour le poulet, vous pouvez le dire pour le riz, vous pouvez le dire pour toutes les productions. Et donc il y a besoin pour justifier cela. Comment justifier que nos armées soient aussi présentes au Sahel? Comment les Européens pourraient-ils accepter qu'on envoie nos armées là-bas si on n'a pas l'idée que quand même, sans nous, ils ne s'en sortiraient pas? Qu'ils ont absolument besoin de nous, on est obligé d'y aller, c'est pour leur bien. Et donc les images qui sont issues de la colonisation ne perdurent pas uniquement par le temps, ils perdurent parce qu'ils ont une efficace aujourd'hui au niveau économique. Oui, tout à fait. Et merci Manu du coup d'avoir abordé la question du procès Nordine, puisque effectivement c'est important de sortir aussi de l'ornière de l'insensibilité, ce type de pratique de criminalisation en fait de militants antiracistes et d'être solidaire de Nordine et du dans le cadre de son procès de pouvoir le médiatiser. Tu as parlé de Maouda aussi. Enfin, Maouda n'est pas un cas particulier puisque c'est vrai que à travers Maouda, on a pu assister quand même à une indignation morale, affective, parce que c'est une petite fille, c'est une enfant à laquelle on peut s'identifier. Mais Maouda n'est pas un cas isolé, en fait. Il y a véritablement un dispositif qui est celui des opérations Medusa et des Maouda plus âgés, ou peut-être même du même âge. Il y en a eu sans doute des dizaines, voire des centaines d'autres, morts le long des autoroutes, dans des camions frigorifiques qui tentent de passer la Manche vers l'Angleterre. Et donc, c'est important aussi de rappeler la dimension systémique et de dispositif d'État qui est derrière ces morts-là et pour lesquels il y a une occultation complète, totale, puisqu'on ne sait pas quand ces gens meurent. On n'en a aucune information, on ne sait pas qui sont ces gens. Ils meurent dans l'indifférence totale et complète. Et donc, c'est pour ça que je posais aussi la question des réfugiés et des sans-papiers, parce que ça, pour moi, c'est vraiment un cas qui m'évoque, en fait, les logiques sous-jacentes à octobre 61 aujourd'hui. Pour en terminer avec les questions, il y a tous les enjeux mémoriels, effectivement, spécifiquement avec Macron aujourd'hui, donc qui est un peu dans un jeu ambigu où à la fois il accuse le pouvoir algérien d'entretenir une forme de rente par rapport au passé colonial en Algérie, et puis qui, d'un autre côté, s'engage dans un travail de reconstitution historique en commandant un rapport à Benjamin Stora, en faisant des déclarations tantôt pour les harkis aujourd'hui. Je pense, j'ai pas suivi, mais je pense que c'était prévu aujourd'hui aussi par rapport à octobre 61 des commémorations. Donc il y a cet enjeu mémoriel de reconnaissance de crimes d'État, donc peut-être revenir là-dessus, et puis poser la question plus spécifiquement de qu'est-ce qui serait une politique de réparation qui serait juste et qui serait digne de l'enjeu, en fait, et à la hauteur du crime commis. Je sais que bon, on ne pourra pas ressusciter évidemment les morts et tous les torts matériels qui ont été commis tout au long de la période de la colonisation, mais en tout cas, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui des politiques de réparation de la part des anciennes puissances colonisatrices? Et ça se pose évidemment, la question se pose pour la France, elle se pose aujourd'hui également pour la Belgique, à l'égard de ces anciennes, anciennes colonies, et plus spécifiquement du Congo, qui a également payé un très lourd tribut en matière de pertes humaines. Alors là, vous posez vraiment des questions de fond. D'abord, sur la question de l'instrumentalisation du mémoriel. La stratégie aujourd'hui de Macron est incompréhensible si on ne prend pas en compte le fait qu'en France, je ne sais pas en Belgique par rapport au Congo, mais en tout cas en France, du côté des populations issues de l'immigration, comme du côté d'un certain nombre de militants non issus de l'immigration, les mobilisations de ces 20 dernières années ont rendu le débat incontournable. Autrement dit, continuer à être dans le déni complet est impossible. En tout cas, est quelque chose qui apparaît comme non crédible. La position de Macron aujourd'hui, il est de reconnaître pour ne pas reconnaître. Et de reconnaître le minimum pour clore le débat et ne pas aller jusqu'au bout de l'exploration. C'est ça la stratégie d'Emmanuel Macron, ce qui l'a amené d'ailleurs à prendre des positions qui ont pu être en apparence jugées courageuses. Bon, dire la colonisation est un crime contre l'humanité, il l'a dit en 2017 quand il était candidat, il ne le dit plus aujourd'hui. Hein. Dire cela à l'époque, ben, c'était une manière de dire je ne suis pas comme les autres politiciens, moi je suis capable de regarder la réalité en face. Si on regarde de près les rapports qu'il a commandés et sur le Rwanda et sur l'Algérie, c'est vraiment dire, oui, il y a des choses scandaleuses qu'il faut reconnaître, mais c'est une reconnaissance à minima. C'est une manière de clore le débat pour pas aller jusqu'au bout de l'exploration. Or, je crois que sur la question de la colonisation, comme de l'esclavage auparavant, nous aiderons les peuples des pays européens à grandir si on regarde la réalité dans toute sa violence. Si on veut ne plus le reproduire à l'avenir, si l'on veut qu'il y ait une véritable rupture avec ces dimensions-là, il faut la regarder dans toute sa violence. Après tout, pour le nazisme, et j'en suis content, on a regardé la violence dans toute son horreur. On a montré ce qu'a été le nazisme jusqu'aux concentrations, y compris à des moments donnés, ça nous donnait la nausée que de voir ce que l'on voyait à la télé, etc. Et pour la colonisation et l'esclavage, on n'a pas eu ça. Et il faut s'interroger sur pourquoi pour le nazisme, on n'a pas été embêté de le montrer, et pourquoi pour l'esclavage et la colonisation, on ne veut pas aller jusqu'au bout. Aimé Césaire nous aide là-dessus. Ce grand poète anticolonialiste nous disait, vous savez, est-ce que le nazisme aurait pu prendre ces formes-là si les méthodes qu'il a utilisées n'avaient pas été utilisées auparavant sur les Noirs, sur les non-blancs. Autrement dit, qu'est-ce que le nazisme si ce n'est l'application des méthodes coloniales de blancs à d'autres blancs, alors que jusqu'à présent, on avait ces méthodes qui étaient appliquées à d'autres et donc on ne les voyait pas. Et donc, sur cette question-là, voilà pour la dimension mémorielle. Sur la question des réparations, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette question est posée partout dans le monde aujourd'hui. La semaine dernière, la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution sur la nécessité de la réparation des dégâts de l'esclavage et de la colonisation qui a été adoptée à la quasi-unanimité des pays qui étaient du tiers-monde et avec l'abstention de tous les pays européens. C'est quand même quelque chose de significatif. Et sur la question de la possibilité de la réparation, là aussi, le double standard est à repérer. Qu'a-t-on fait en 1945 après la défaite du nazisme ? A-t-on considéré que l'Allemagne n'avait pas à réparer les dégâts qu'elle avait faits ? Le tribunal de Nuremberg condamne l'Allemagne à des réparations. Et l'Allemagne, pendant des années, paye la Pologne, paye l'Union soviétique. Et elle le paye tout simplement parce que ça détruit des vies, des infrastructures industrielles, des possibilités de rebondir, etc. Alors, ça, c'est l'Allemagne nazie. 6 ans de guerre. La colonisation, 130 ans, 140 ans, 150 ans. L'esclavage, 400 ans, 500 ans. Peut-on estimer que l'on est quitte parce qu'il y a eu proclamation de l'indépendance ? Mais le débat ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin. Sur quelle base se sont développés les pays occidentaux ? À partir de quels capitaux ? À partir de quelles richesses a-t-on connu ce que l'on appelle le miracle industriel, la révolution industrielle, le boom industriel ? Y a-t-il un gène occidental ou blanc d'intelligence qui les aurait amenés à cela ? Ou y a-t-il des explications plus prosaïques ? Le développement ici a été rendu possible par le sous-développement là-bas. Le développement ici a été rendu possible par la misère là-bas. Le développement ici a été rendu possible par les transferts de richesses, de capitaux qui ont été pris là-bas. Si tel est le cas, eh bien la question des réparations ne se pose pas. Comment faire ? On peut ouvrir le débat. Je n'ai pas toutes les solutions. Mais le débat, on n'en est même pas là. Ce n'est pas comment on va faire, etc. Le débat, c'est... Non, le débat, c'est... Il n'y a même pas acceptation du principe de réparation. C'est dire l'importance aujourd'hui des débats comme ce soir. Le 1761 repose sur ces débats-là. C'est pas simplement de se souvenir, c'est de se poser la question de comment on dépasse cela. Et on dépasse cela aussi par les réparations. Oui, la justice nécessite que les économies riches qui se sont enrichies sur le dos de millions de personnes qui ont été tuées, esclavagisées, colonisées, etc., eh bien contribuent par des réparations à une autonomie financière, économique, etc., des pays qui sont aujourd'hui colonisés. On n'en est pas là, puisqu'aujourd'hui, on continue à piller. Donc, c'est dire le chemin qui reste à parcourir. Mais je vous propose alors, du coup, de passer la parole à la salle. Donc, si il y a des demandes d'intervention, il y a un micro ici qui va circuler, je pense qu'il faut plus... Voilà, je pense qu'il faut plutôt se mettre ici pour des raisons de sonorisation. Donc, si... Oui, il y a une demande là. Merci à tous les trois. Je dois me mettre quelque part ou... si. Ben, merci à tous les trois du coup pour l'intervention et merci Manu pour ta contribution à l'exposition. Mais je vais juste revenir simplement sur le terme de refoulement, parce que c'est moi qui l'ai amené là tout de suite. Je ne pense pas qu'on peut faire l'économie d'une lecture un peu analytique, parce que c'est aussi ce que Fanon fait en fait lorsqu'il analyse la situation et qu'il parle avec des colonisateurs, quand il parle avec ses patients, il se rend compte que comme vous disiez, 500 ans, 600 ans investis, comme vous disiez aussi, dans l'imaginaire collectif des gens, énormément de représentations. Et finalement, l'horreur qui a été faite pendant des siècles et des siècles et des siècles, les personnes descendantes des colonisatrices, personnes blanches, ne peuvent même plus le regarder en face. Et c'est pour ça que j'amenais la question du refoulement. C'est véritablement, comme tu disais, la plupart des gens qu'on rencontre aujourd'hui ne sont pas foncièrement ou pensent vraiment qu'il n'y a rien de mal à danser autour d'une marmite, mais c'est parce qu'ils n'ont même pas accès, en fait, comme vous disiez là tout de suite en terminant, on n'en est même pas encore à la question d'un débat. Il faut en fait déjà qu'ils se rendent compte de tout ce qui s'est passé. Et là, vraiment, il y a un blocage. On se rend compte, quand on parle à ces personnes-là, qu'il y a un blocage, au sens psychique du terme. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas accès à ça. Et d'où l'importance d'initiatives comme ici. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je voulais juste justifier ce mot-là. Moi, en fait, il y a des dates en fait, dans tout ça qui m'interpellent beaucoup. Par rapport à, parce que je sais que, par exemple, les folklores racistes, dans un premier temps, c'était plutôt le fait de la bourgeoisie. Et le fait que dans les années 60, ça devienne à un certain moment un folklore populaire, il y a dans l'articulation classe-race, là, quelque chose qui se joue à un moment de la désindustrialisation, et on connaît en plus son origine par rapport à la traite. Et je n'ai pas le fond, mais en tout cas, j'aimerais bien t'entendre, Saïd, autour de tout ça, si tu fais des liens. Oui, moi, je voulais juste dire, par rapport à la manière dont ce rapport colonial s'est imprégné dans les consciences à la fois des descendants des colons et des colonisés jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper marquant dans les violences policières et dans la manière dont c'est traité à la fois médiatiquement, mais même par les familles des victimes. Moi, j'ai été hyper touchée une fois ici d'entendre la famille d'un jeune victime et décédé des victimes de violences policières et comment la famille elle-même se justifiait que le fils ne buvait pas, ne se droguait pas, n'était pas... Et la même chose par rapport au traitement de la famille de Maouda. Comment est-ce qu'on a criminalisé les parents comme si c'était eux qui étaient responsables, qu'ils n'avaient aucune humanité par rapport à leur enfant. Donc vraiment la déshumanisation à la fois des familles des victimes de violences policières et comment est-ce qu'aussi... comment est-ce qu'elles ont aussi... comment est-ce qu'il y a... Il y a l'incorporation aussi de cette infériorité. Moi, ça m'avait vraiment... c'est tout ce que je voulais dire. D'autres demandes d'intervention ? Oui ? Merci. Je voudrais remercier les deux orateurs, et particulièrement Saïd, et notamment pour une chose qu'il a dite, dans le fait que cette histoire sanguinaire, c'est aussi la nôtre, nous les blancs, nous les dominants, nous voilà. Et que donc être indigné par tout ce qui a été décrit et vouloir se battre contre ça, c'est pas une question d'altruisme, c'est aussi évidemment une question de fraternité, etc. Mais c'est aussi parce que, comme il l'a très bien expliqué, c'est un poison aussi pour les peuples des nations dominantes. Et c'est un petit-fils de colonialiste et de rexiste qui vous le dit. Et pas seulement parce que nous serions tous coupables, l'ensemble du peuple belge comme français, etc., de ce qui a été commis. Non, parce qu'une bonne partie de ces choses ont été commises en d'autres noms. On connaît le fameux slogan « Not in my name ». Même s'il est vrai qu'une bonne partie des peuples dominants, effectivement, étant complètement manipulés, lobotomisés, etc., soit était indifférent, soit était même favorable. Bon, ça, c'est autre chose, mais ça s'appelle l'aliénation. Et il faut quand même rappeler aussi qu'il y a eu une minorité, mais parfois une minorité importante, les porteurs de valises, etc. Et chez nous, en Belgique, quelqu'un comme Jean Van Lierde, par exemple, journaliste, ami de Lumumba, c'est lui qui l'a averti du discours dégueulasse de Baudouin, parce que lui avait eu droit à voir le discours dans sa farce, parce qu'il était journaliste, que Lumumba n'avait pas eu. Et Lumumba, d'ailleurs, n'était pas, en principe, censé prendre la parole. Donc, quand même rappeler, et aussi, effectivement, le fait qu'un militant communiste a été décapité en Algérie, effectivement, parce que pour sa solidarité, et ainsi de suite. Alors, certes minoritaire, mais ils étaient là. Et si une majorité de la population était indifférente, etc., c'est très largement parce que, voilà, cette arme du racisme divisé pour régner, c'était aussi, c'était pas seulement par rapport aux Algériens ou aux Congolais, c'était aussi par rapport aux Belges. C'est pas pour rien que les Belges ne pouvaient pas venir en Belgique jusqu'à la décolonisation, parce qu'ils auraient découvert que les contes qu'on leur racontait sur ce pays qui était un pays de cocagne et où effectivement c'était le, comment dirais-je, c'était l'entente cordiale. Mais effectivement, on comprend qu'il fallait pas qu'on vienne en Belgique, puisqu'il y avait quand même eu l'affaire royale où on a tiré sur des travailleurs en Belgique en 60, etc. Et donc ces histoires sont très proches. Tu as fait des parallélismes, mais il y a d'autres parallélismes qu'on pourrait faire. Hein, c'est qu'à peu près au même moment où les massacres commencent au Congo, il y a l'affaire royale et où effectivement on tire sur les travailleurs belges, mais aussi on assassine une des figures de proue du Parti communiste belge, parce qu'il a osé créer, parce qu'on lui attribue d'avoir créé Vive la République. Et donc, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi notre histoire parce que les maîtres, entre guillemets, qui ont organisé ces choses abominables, ce sont aussi nos maîtres. Et que donc, comme tu l'as très bien dit, on a été empoisonnés pendant des dizaines d'années, pendant des siècles, si on remonte effectivement à la soi-disant découverte de l'Amérique et puis tout ce qui s'en est suivi, l'esclavagisme, etc. Et donc, voilà, je pense que... Alors, juste encore un point sur les Noirots, je rappelle aussi que dans cette tradition de carnaval, il y a aussi le carnaval d'Alost, où récemment, il y a eu un scandale parce qu'il y avait un char où on représentait effectivement des juifs, mais vraiment de manière... On aurait vraiment cru voir des caricatures du Beobachter, le grand journal nazi, avec des papillons, le caftan, les chapeaux, etc. Et évidemment, et encore une fois, de bonne foi, une série de gens qui organisent ça ont dit « Oui, mais non, c'est pas du racisme, c'est la tradition, c'est la culture. » Oui, effectivement, c'est la tradition et c'est la culture, effectivement. Mais quelle culture, voilà. Ça n'a plus rien de raciste. Les slogans, effectivement, les chansons dans les copes sur « Si tu es un juif, saute », etc., c'est des choses qui se passent encore en même temps. Mais comme l'a très bien rappelé Saïd aussi, c'est qu'effectivement, comme l'avait dit Césaire, le vrai crime d'Hitler, c'est pas d'avoir assassiné en masse comme il l'a fait, c'est d'avoir fait par rapport à des Blancs. En fait, c'est ça le problème. Et donc, vraiment, pour en finir, je rappelle simplement ce que disait Karl Marx, et lui parlait de l'Irlande, lui, allemand ayant dû exiler en Grande-Bretagne, qui expliquait... Parlant de l'Irlande, un peuple qui en opprime un autre ne sera jamais libre. Donc c'est pour ça. Alors bien sûr, c'est d'abord le combat des dominés, mais c'est aussi le nôtre. Moi, je voudrais revenir quand même sur la thématique du 17 octobre. Donc c'est demain. Et j'apprends par des associations lilloises d'enfants, justement, de cette seconde génération dont les parents ont vécu ce massacre, j'apprends que les autorités lilloises, donc la mairie, ne veut pas s'associer avec ces associations qui veulent aussi marcher, manifester et célébrer, si on peut pas dire, enfin commémorer plutôt, parce que célébrer, c'est vraiment pas une célébration. Généralement, on le fait de manière très positive, mais commémorer ce jour. Et je trouve ça vraiment... Enfin, on revient dans encore une fois dans ce rapport de paternalisme, de rapport dominant-dominé, parce que les premiers concernés, même si ce sont les hommes, avec leur famille, on ne s'associe pas, on ne collabore pas. Je trouve ça encore assez... Quand je l'ai appris, je trouvais ça assez scandaleux. Aujourd'hui, pour les 60 ans, donc là, je ne sais pas ce que va faire le président, enfin en tout cas Macron. Est-ce qu'il va faire un geste fort ou pas? On verra. Mais en tout cas, tout est encore une fois stratégie politique. Et là, c'est encore. Là, on va encore revenir avec ce que tu disais, Saïd. Ils n'ont pas encore assimilé. Enfin, ils veulent pas encore reconnaître ce que c'est, parce qu'on. C'est quand même intolérable qu'ils ne puissent pas encore s'associer avec les familles concernées. Et ici, c'est en France, mais ici, par exemple, aujourd'hui, cette année, je ne sais pas si tu es au courant, mais on est aussi, c'est aussi les 40 ans de la loi Moureau, que vous connaissez tous. Hein, c'est quand même cette loi qui permet de porter plainte contre toute discrimination. Et je ne sais pas s'il y a l'équivalent de ce genre de loi ou de pratique, en tout cas en France. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, je trouvais ça assez fou qu'encore aujourd'hui, même pour les 60 ans, il y a encore cette instrumentalisation. Et en parlant de refoulement, bon, notre ami parlait de refoulement par rapport aux dominants, enfin, mais il y a aussi un refoulement aussi des familles, énormément. Les familles, en tout cas les témoins, que ce soit par rapport à ce massacre ou par rapport à la guerre d'Algérie, nos papas nos mamans, enfin, surtout nos pères qui ont beaucoup été des acteurs, ont dit eu difficile à parler et à raconter. Et c'est ça aussi qui est très difficile, même pour les enfants, de comprendre. Et il y a aussi ce côté où ils n'osent pas trop. Enfin, ils n'ont pas osé, comme si c'était quelque chose qu'ils... Il y avait une certaine illégitimité à la longue. Et ça aussi, c'est quelque chose aussi d'assez étonnant. Et donc, c'est les enfants, surtout, qui ont maintenant besoin, de vérité, qui ont besoin de savoir... Et on n'en parle pas, évidemment, dans les livres d'histoire, en tout cas pour la Belgique, pour le Congo et toutes les colonisations. La frange, apparemment, on fait que parcourir, mais pas encore dans l'intégralité de ce que c'était cette guerre. Et autre chose, une parenthèse, je voudrais savoir quel est ton point de vue par rapport au rapport Stora. Voilà, beaucoup de questions. Il y a une série de thématiques fanoniennes, quand même, hein, le refoulement, l'intégration du stigmate... La colonisation qui impacte le colon autant, peut-être même plus que le colonisé. Voilà. Et puis sur les enjeux qui viennent d'être mentionnés, ceux que Julie aussi mentionnait juste avant. Alors, d'abord, sur la question de refoulement, telle que la personne qui l'a abordé le définissait, je ne peux être que d'accord. En réalité, je m'opposais tout à l'heure à cette lecture psychologisante des questions. En réalité, le refoulement est politiquement produit. C'est ça que je voulais juste souligner, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit. Dans un de mes ouvrages, je termine avec la phrase suivante, qui pour moi est un programme politique pour tous ceux qui se veulent de gauche ou révolutionnaires ou progressistes dans ce pays, qui est la phrase suivante: la mémoire est au peuple ce que la psychanalyse est aux individus. Et je pense que ça montre tout l'enjeu politique du travail sur la mémoire. Ça n'est pas simplement se souvenir. C'est prendre conscience que le passé pèse sur le présent, structure le présent, et que le présent reproduit le passé. Donc je ne peux être que d'accord avec ce qui a été souligné. Sur la question de comment ça a pu perdurer, on est dans les années 60, et toutes ces images qui ont permis le 1761 ont refleuri, voire même se sont développés fortement dans les années 60. En réalité, il faut vraiment qu'on ne sous-estime pas l'ampleur de la campagne idéologique qui a été menée sur cette idée d'une hiérarchisation de l'humanité. Les eaux coloniaux, ça n'est pas simplement une année. C'est sur près de 10-15 ans que l'essentiel, mais en Belgique comme en France, on a eu des millions de personnes qui ont été visitées des eaux coloniaux. Les programmes scolaires ont imbibé des générations. Jusqu'aux années 70, il y avait encore des traces de cette idéologie dans les manuels scolaires. Il a fallu attendre que les nouveaux manuels scolaires arrivent pour que disparaissent complètement ces images de la mission civilisatrice, etc. Autrement dit... nous pouvons considérer que c'est loin. En réalité, c'est très proche en termes d'influence si on prend en compte tous les outils, tous les canaux de transmission de ces images, de ces représentations, de cette hiérarchisation. Et les années 60, en plus, c'est une période dans laquelle on a le boom économique, le plein emploi, etc., qui est spontanément rappelé à cette idée de supériorité. Et donc, on a un contexte à l'époque qui n'est pas un contexte qui spontanément remet en cause ce récit colonial. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, il est loin d'être parti parce qu'il n'y a pas eu de déconstruction de ces pensées-là. La réaction aujourd'hui, par exemple, de victimes de crimes racistes, la question qui a été posée, donc sur la question de l'intériorisation par le dominé de sa domination. Alors, ça nous éloigne un peu du sujet, mais toute domination suppose, je le disais, je crois, en introduction, suppose de former les dominants et de former les dominés. C'est le propre de toute domination. Il n'y a pas de sexisme si on ne forme pas les hommes à se considérer comme supérieurs et s'ils ne forment pas les femmes à se considérer comme devant se situer de manière inférieure par rapport à l'homme. Tous les rapports de domination supposent ce double travail de projection d'un sentiment de supériorité du côté du dominant et un sentiment d'infériorité du côté du dominé. Et donc, bien sûr que les populations issues de l'immigration qui sont aujourd'hui victimes de violences, mais elles réagissent à quoi ? Pour qu'on puisse accéder à la justice, on a l'impression que dire que notre fils n'était pas un voyou, que notre enfant n'était pas un drogué, qu'il n'était pas, etc., ça va aider à la justice. C'est l'illusion du dominé vis-à-vis du discours du dominant. Et ça, c'est un phénomène classique. Il est d'autant plus durable que malheureusement, une grande partie de la gauche, voire même de l'extrême gauche, cautionne cela. On va refuser d'aller défendre quelqu'un parce qu'il était un dealer. Attends, il a été tué. Qu'il soit dealer ou non, il a été tué par un policier. Est-ce qu'on a le droit de tuer des dealers ? Aujourd'hui, on n'a pas la même réaction lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui peut vous montrer patte blanche ou quelqu'un qui a dans son casier. D'ailleurs, les policiers ont très bien compris. Hein, la première chose qu'ils font, c'est de dire il était connu des services de police. Ils savent déjà qu'il y a plein de gens qui seraient amenés peut-être à le soutenir qu'ils ne soutiendraient pas. Les familles prennent conscience de cela et se disent si on veut qu'il y ait un minimum de bruit et de demande de justice vis-à-vis de notre enfant assassiné, bah, il faut qu'on dise qu'il était propre, qu'il était gentil, qu'il était sage, qu'il était un bon éducateur, qu'il était le meilleur du quartier, etc. C'est pas simplement lié aux familles, c'est l'ensemble d'un système qui parle à ce moment-là. Sur la question du silence des... Non, oui, sur la question des... Il y a eu une minorité qui s'est opposée au colonialisme, etc., hein, qui a, de manière courageuse, résisté au colonialisme, etc. Je pense que c'est essentiel de le rappeler. Mais en rappelant, c'était une minorité. Il faut dire la réalité telle qu'elle a été. L'essentiel des organisations de gauche, d'extrême gauche, etc., ont été pour un colonialisme colonisateur et n'ont pas été dans un anticolonialisme. Mais raison de plus pour parler de la minorité qui s'est opposée à cela. Il y a toute une campagne aujourd'hui sur la question des noms des rues ou des statues, etc. Je pense que dans cette campagne, il faut introduire la question de la rebaptisation à partir des quelques anticolonialistes, cette minorité d'anticolonialistes qui a été cohérent jusqu'au bout et qui l'a payé très cher. Je vais parler du cas français, mais si vous souhaitez des exemples belges, je pourrais m'y pencher et vous en donner des exemples dans... Laissez-moi quelques semaines, le temps de faire la recherche. Mais en France, on a un député, Vignier Docton, inconnu de tout le monde. Posez la question, qui est Vignier Docton ? Tout le monde vous dira, on ne connaît pas. Voilà un député qui s'est opposé à toutes les actions coloniales, qui s'est fait ridiculiser, qui a vécu des menaces de mort, etc. Il n'y a pas une rue Vignier Docton en France, pas une seule. Vous trouverez l'équivalent en Belgique. Et donc, cette minorité-là, il faut à la fois dire qu'elle était minoritaire, parce que sinon on ne comprend rien au colonialisme, on ne comprendra pas justement cette campagne idéologique, etc. Mais dire que ce n'était pas systématique, il y avait une minorité, et se battre pour qu'elle puisse être reconnue. Sur la question du silence des immigrés eux-mêmes, ben oui, vous avez raison. Mais vous savez, ça n'est pas simple pour les parents que de parler de cette période-là. Que dire à nos enfants qui sont aujourd'hui belges ou français ? Que dire à ces enfants quand on a vécu le 1761 ? Leur dire le massacre ? Et dire mes enfants vont devenir... Là, je parle sur la base d'enquête que j'ai menée, je pourrais vous en donner les conclusions. Hein. Et dire à nos enfants, tu sais, tu es français, mais le pays qui est le tien est un pays massacreur ? Moi, j'ai eu des parents qui m'ont dit, on n'a rien dit. Parce qu'ils sont français, on ne veut pas qu'ils aient la haine de la France, parce que sinon ils vont se faire... descendre. Et donc, c'est un acte d'amour que ce silence-là. Alors, bien sûr, les enfants, c'est pas suffisant parce que les enfants, ils grandissent, ils ont besoin de savoir. Mais l'intention des parents était un acte d'amour. Et puis, d'autres parents me disant, mais vous savez, on s'est battu pour l'indépendance. Maintenant, on l'a. Nous, on n'est pas dans la rancœur. On n'en parle plus. On passe à autre chose. C'est nous les vainqueurs. Peu importe que ça soit juste ou pas juste, l'important... c'est de comprendre que les parents n'avaient pas une intention de se taire. Ils se sont tus par égard pour leurs enfants. ce n'est pas un hasard que ce soit aujourd'hui leurs propres enfants qui reposent ces questions-là. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans tous les phénomènes historiques où il y a eu trauma, vous sautez une génération. C'est généralement la génération d'après qui en parle. Les rescapés des camps de concentration en ont très peu parlé. Ce sont leurs enfants qui en ont parlé. À chaque fois qu'il y a un trauma historique, c'est la génération d'après qui a le pouvoir d'en parler. Et on le voit bien en Algérie aussi. Le trauma de la décennie noire, il est dépassé avec les enfants, ceux qui viennent après et qui manifestent aujourd'hui, alors qu'auparavant, les parents disant le danger intégriste est tel qu'on ne prend plus de risque de quoi que ce soit. Et donc, à chaque fois, il y a une génération qui passe et qui permet d'aborder ces questions-là. Quant au rapport Stora, on a Stora qui est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé, etc. Le rapport Stora, on a là l'acte d'un rapport commandé, c'est-à-dire qu'il est suffisamment, il n'y a aucun mensonge dedans, si ce n'est des mensonges par omission ou sur la dimension de l'ampleur. Sauf que dans les questions qui sont les nôtres, l'omission ou l'ampleur sont des questions essentielles, puisqu'elles permettent de poser la question, est-ce une responsabilité d'État ? Est-ce une responsabilité d'un système social ? Ou est-ce simplement des dérapages de tel préfet ou de tel administrateur colonial à telle période ? Donc le rapport sera, il n'y a rien de faux dedans, mais il pêche par omission et sur la diminution de l'ampleur de la question, ce qui est très grave. Donc c'est un rapport commandé. Encore juste la question de l'articulation classe-race avec le passage à un moment donné au niveau des folklores de la bourgeoisie aux classes plus populaires. Je ne sais pas si voilà, tu avais des choses à dire là-dessus. Ah, c'est moi, mais vous avez l'art de me poser des questions qui me demandent 3 heures. Il est sorti aujourd'hui. Il est là-haut. Non, il est là-haut. Hey, non, sur la question classe-race, d'abord, excusez-moi, on s'éloigne un peu de cet exemple, mais c'est en réalité complètement en lien. Hein. D'abord, on ne peut pas penser la colonisation si on ne pense pas l'apparition du mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste est le premier mode de production qui ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Autrement dit, le mode de production capitaliste ne peut pas fonctionner en disant « ça y est, je tourne, il a besoin de conquérir toutes les autres sphères ». Il va d'abord conquérir les pays européens. Il naît dans les villes et il va d'abord conquérir les pays européens, ou plus exactement, il va conquérir en même temps les pays européens et la colonisation. Et il va détruire l'ensemble des cultures populaires ici, avec des effets de catastrophes qui sont du même type et que nous payons encore aujourd'hui. Quand je parlais de mon dernier livre, donc, qui est sorti aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je donne des citations sur comment on parlait des Bretons, comment la classe dominante parlait des Bretons, des Auvergnats, etc. Eh bien, vous verrez en feuilletant ce livre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous verrez en le feuilletant qu'il nous parle de communautarisme des Bretons, de langue de sauvage, de non-intégration des Bretons et des Auvergnats, de civilisation inférieure bretonne et auvergnate, etc. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui, hein. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, il y a un point commun qui est cette dimension-là. Autrement dit, la colonisation, c'est l'opération qui consiste à imposer au monde un type de rapport de production à n'importe quel prix, ici en détruisant les cultures rurales et en allant exporter l'armée pour coloniser, esclavagiser, etc. Ça, c'est le premier point qui est un élément important. Pour réaliser cela, il faut casser les cultures populaires. Et effectivement, regardez, par exemple, les modes d'habillement, et ne le vivez pas comme une critique, hein, le mode d'habillement qu'on a en Europe et dans le reste de la planète. Vous allez en Amérique latine, il y a du bleu, du rouge, du vert, du jaune, ça éclate, ça brille, etc. Vous allez en Kabylie, il y a du rouge, du vert, du bleu, ça brille, etc. Vous allez en Afrique, il y a du rouge, du bleu, du vert, ça brille. Ici, il y a du gris et du marron. Et est-ce que les cultures populaires ancestrales étaient comme ça ? Regardez les costumes des Bretons avant l'industrialisation. Regardez les costumes des Wallons avant l'industrialisation, etc. Vous apercevrez qu'il y avait du bleu, du jaune, du rouge, du vert, etc. Autrement dit, le capitalisme nécessite une opération d'uniformisation du monde. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a un rapport classe-race. En réalité, les classes dominantes qui apparaissent en Europe et qui vont coloniser après et qui vont formater les pays européens, ces classes dominantes-là ont besoin d'unifier le marché, ont besoin d'uniformiser ce marché et ont besoin d'imposer une norme. Et cette norme-là va se faire ici et là-bas de manière simultanée. En réalité, je dis ici et là-bas, pendant longtemps, j'ai dit qu'il était né ici, ce mode de production, et qu'il s'était développé après. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que cela. C'est ce que j'essaye d'expliquer en m'opposant à une grande partie de la gauche qui se pense révolutionnaire dans ce pays. En réalité, ça ne s'est pas fait du tout comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme commercial est apparu dans plein d'endroits de la planète avant qu'il apparaisse en Europe. Il est apparu en Chine. Il est apparu en Afrique du Nord. Il n'est jamais passé au capitalisme industriel. Parce que pour passer au capitalisme industriel, il fallait une masse de capitaux qui nécessitait l'invention du colonialisme, l'invention de la barbarie. Et quand on regarde de près, c'est le pillage des civilisations amérindiennes qui a fourni les capitaux permettant l'industrialisation ici. Et autrement dit, dès les débuts, colonialisme et capitalisme vont ensemble. Ce n'est pas l'un et après l'autre. Et dès les débuts, la question de la classe et de la race sont en lien permanent. Il fallait pour la classe dominante ici inventer la race inférieure et donc la race supérieure. Il fallait pour justifier le capitalisme inventer cette race. On l'a fait à l'interne par diabolisation, péjoration des cultures populaires et on l'a fait à l'externe par l'invention du racisme et de la hiérarchie entre les cultures. Donc il n'y a pas deux questions, la question de la classe et la question de la race. Il y a une seule question. La race est une nécessité de la question de classe. La race est un mode de gestion de la classe sociale. Je vois qu'il est quand même... Il est déjà 21h30. On va clôturer. Je ne vois plus de main levée, mais comme il fait relativement sombre, je ne vois pas très bien. Il y a encore on peut encore prendre une intervention et puis je vous proposerai du coup de continuer au bar au-dessus pour celles et ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'intervenir là maintenant. Ouais, salam alaikum, merci beaucoup. Moi j'ai une question qui était relative au simple fait que je suis marocaine en Belgique et quelque chose que je constate dans l'activité militante des populations spécifiquement marocaine en Belgique, c'est que oui, à la fois il y a un contrôle racial lié à l'histoire coloniale belge, mais au même temps il y a aussi une structuration et un contrôle qui est fait par le Maroc à distance. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on parle de octobre 61, ben on voit très bien que là il y a un état colonial, mais au même temps il y a des échos de mouvements révolutionnaires. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un État colonial, mais en même temps, il y a des formes de contrôle qui sont faites par les États-nations africains, dans l'occurrence. Et j'étais particulièrement curieuse de connaître comment l'Algérie, qui a connu une histoire décoloniale très différente du Maroc, où le Maroc est très vite passé à un post-protectorat d'alliances très proches, par contre, l'Algérie, ce n'était pas la même chose. Comment est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, met en place ou pas des formes de contrôle de sa population en France? C'est une question un peu précise, donc je vais y répondre, mais on s'éloigne un peu du 7 octobre, mais la question est bien entendu légitime. Le contrôle de l'État algérien vis-à-vis de l'immigration est aujourd'hui, et surtout un contrôle, non pas lié à ce qu'elle pose comme question en France, mais lié à ses prises de position sur la situation en Algérie. Autrement dit, il y a une espèce de schizophrénie en Algérie, c'est-à-dire que la radicalité de la lutte de libération nationale font que même les dominants parlent d'indépendance, de souveraineté, de colonialisme, etc. Par contre, il y a une répression énorme et une surveillance dès que ça concerne les pouvoirs en place là-bas. Et donc, on peut critiquer l'État français sans avoir de problème ou sans être surveillé par l'État algérien. Mais dès qu'on critique l'État algérien, eh bien, on est considéré comme un danger. Donc voilà, c'est peut-être une différence avec des États qui n'ont pas connu une décolonisation radicale comme l'a connue l'Algérie, dans lequel les pouvoirs qui ont été mis en place sont des pouvoirs qui ont contribué à contrôler l'immigration. Pour l'Algérie, on n'en est pas là. On est surtout dans un contrôle sur comment éviter que ça vienne critiquer les pouvoirs là-bas. Voire même comment on peut instrumentaliser la critique des pouvoirs ici dans des jeux géostratégiques, parce qu'il y a des enjeux géostratégiques entre l'État algérien et l'État français, par exemple. En fait, c'est la question des contre-révolutions dans les anciennes colonies et l'impact sur les diasporas, d'une certaine façon, mais ça mériterait une autre conférence. Mais voilà, je vous remercie. Un petit mot de conclusion, peut-être, Manu. Ok, ben merci à tous en tout cas d'être venus, et merci à Saïd pour cette conférence vraiment super enrichissante. Ben voilà, comme on l'a vu aujourd'hui tout au long de la conférence, il y a encore énormément de travail à faire, énormément de travail de sensibilisation, d'éducation à ces questions. L'histoire est toujours l'histoire dominante, et l'histoire qui est enseignée, l'histoire qui est médiatisée, c'est toujours celle du colon, c'est toujours celle du colonisateur, et le colonisé et le point de vue colonisé reste très très marginalisé dans des espaces militants peut-être comme ceux-ci ou quoi, mais vraiment très minoritaire. Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous, pour le collectif Krasny, de continuer à faire ce travail-là. Donc, comme on l'a vu, qui n'est pas seulement un travail de mémoire, mais plutôt de réappropriation par les dominés de leur histoire, pour pouvoir, voilà, pour leur donner les outils pour se battre et pouvoir changer les choses, quoi. Parce que je vais prendre un exemple. Nous, on travaille donc autour du film Caoutchouc Rouge, Rouge Coltan, sur la question coloniale au Congo. On s'aperçoit que y a un sondage il y a quelques années qui explique que 70% des élèves qui sortent du secondaire ignorent tout simplement que le Congo est une colonie belge. Comment voulez-vous vous positionner de manière efficace, de manière lucide sur les enjeux de la société, si vous ignorez des choses aussi fondamentales, quoi. Donc pour nous, il y a vraiment un vrai travail d'information et de sensibilisation à faire qui est nécessaire. Et donc on continuera évidemment avec le collectif Krasny, après cette exposition, à en faire certainement d'autres sur d'autres événements de l'histoire, qui sont occultés de la même façon. Je ne sais pas encore vous dire lesquels, mais voilà, ça viendra. Et pour revenir au sujet de ce soir, le 17 octobre 1961, ben, effectivement, un massacre occulté, donc tu l'as dit, Saïd, hein, un massacre qui est certainement pourtant le plus important massacre de population sur le sol français depuis la Commune de Paris, donc justement qui a fait l'objet de notre précédente conférence. Et on en a parlé ce soir. Et pour l'exposition sera présente jusque fin octobre, jusqu'au 30 octobre. Et pour clôturer l'exposition, donc le samedi 30 octobre, il y aura ici au DK, vous êtes déjà invités, une conférence avec Rezala Chérifi de l'association Les Amitiés Belgo-Algériennes. Donc là-bas, ASBL, avec un documentaire qui sera accompagné d'un documentaire qui s'appelle Octobre à Paris, dans lequel il y a des témoignages de personnes ayant vécu ces événements. Enfin voilà, je vous remercie tous et vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si Saïd ou Radija veut rajouter quelque chose. L'expo va tourner, ouais. Je ne sais pas encore dire quand et où, mais c'est sûr et certain, elle va tourner. Voilà. Et elle est déjà à Montreuil, d'ailleurs, en fait. Bravo. Merci à tous.